Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition en français, la dernière de ce 15 février. En voici le sommaire. L'ancien président burundais Sylvestre Ntibantunganya conseille aux politiciens qui se rendent à Arusha du 16 au 18 courant de renoncer à leur position bloquant l'avancement du dialogue afin de répondre aux préoccupations qui touchent aux intérêts majeurs de la population. Les femmes journalistes éprouvent des difficultés à pouvoir évoluer professionnellement vu leur rôle dans la société et qui sont difficiles à concilier. La crainte d'Agnès Nindore, la nouvelle présidente de l'Association burundaise des femmes journalistes, qui demande en même temps aux organes de presse d'essayer de faire participer la femme dans leur production médiatique. Le reportage du jour nous conduit à l'école fondamentale de Rugari, c'est en province Ruyigi, où les premières années comptent une centaine d'apprenants. Les troisième et quatrième années se partagent une seule classe. Notre reporter Robin Nyonguru nous en dira plus dans ce journal présenté par Mireille Kanyange. La mise en onde est assurée par Albert Ndouayo. Bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonsoir, page politique. Pour débuter ce journal, l'Union pour la promotion des bateaux et une proba demande d'être représentée dans le dialogue prévu du 16 au 18 à Arusha en Tanzanie. Le parlementaire Nengo Emmanuel de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine estime que certains politiciens mettent plutôt en avant les intérêts de leur famille politique. Selon ce député, l'Uniproba a des contributions sur la situation actuelle du pays à cette organisation. Des bateaux apprécient positivement le pas déjà franchi par le facilitateur. On l'écoute. Avant, le facilitateur invitait le groupe Batois dans ses dialogues depuis le commencement. Mais ce qui nous a fort étonné, c'est que pour ce prochain rendez-vous, la communauté Batois n'a pas été invitée. Nous avons des inquiétudes parce que vous savez que pendant les négociations des accords d'Arusha, les Batois n'étaient pas représentés. Vous avez trouvé que les issues n'ont pas pris en compte la représentation des Batois. Nos inquiétudes restent fondées tant que demain, les négociations vont rassembler les politiciens. Et souvent, les politiciens travaillent sur des intérêts. Nous pensons que du côté des Batois, la marginalisation, la discrimination restent toujours présentes. C'est pour cette raison que nous demandons aux médiateurs de penser à cela et inviter les Batois aussi à prendre part à ces négociations depuis le commencement jusqu'à la fin. Comme ça, les Batois seront témoins de ce qui s'est passé, de leur contribution. À vous entendre, est-ce que ces politiciens qui sont invités, ils ne représentent pas, ils ne parlent pas pour tous les Burundais, y compris l'Uniproba. Bien sûr, quand ils sont en train de discuter, ils travaillent sur les questions qui hantent la communauté burundaise. Et comme nous l'avons déjà observé, c'est que quand ils discutent, ils oublient complètement les Batois. L'exemple, c'est les accords d'Arusha où les Batois ne sont mentionnés nulle part. C'est pour cette raison que, pour cette fois-ci, nous aimerions que la communauté Batois soit représentée pour que leur contribution soit quand même entendu et considéré. Une fois l'Uniproba invité, allez-vous parler au nom de tous les Burundais ou allez-vous parler au nom de l'Uniproba? Quand il y a des ajouts, on peut ajouter. Les représentants des Batois ne peuvent pas parler au nom des Batois seulement. Il y a quand même d'autres contributions, des observations au niveau de la situation que notre pays est en train de passer. Le rendez-vous du dialogue de ce jeudi à Arusha en Tanzanie est un rendez-vous du donner et du recevoir. Telle est la lecture de l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya qui conseille aux politiciens qui se rendent à Arusha de renoncer à leur position qui bloque l'avancement du dialogue afin de répondre aux préoccupations qui touchent aux intérêts majeurs de la population. Suivez plutôt à l'ancien président burundais Sylvestre Ntibantunganya. L'indépendance du Burundi. Elle est liée à l'action du parti prenant, plus particulièrement au leadership du prince Rwagasore. Le retour du Burundi à la démocratie est lié à l'action, au leadership de Melchior Ndadaye et à l'action politique du parti Sahwanya-Frodebo. J'allais dire aussi que la lutte pour la consolidation de la démocratie, et d'ailleurs c'est comme ça qu'ils se sont appelés au sein de DFDD, est liée également à l'action de cette organisation politique. Il faut donc aujourd'hui que les partis politiques sachent que le rendez-vous de négociation est un rendez-vous pour répondre aux préoccupations qui aujourd'hui touchent aux intérêts majeurs des Burundais. C'est d'abord l'intérêt de la paix et de la sécurité pour tous. Et cet intérêt, globalement, il n'est pas à troquer. On ne troque pas la paix. On la cherche, on l'impose. La deuxième valeur, la deuxième chose sur laquelle il faut insister, c'est le bien-être des Burundais. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, les Burundais souffrent de la faim, de la famine. les rapports que nous lisons, que vous diffusez vous-même, les informations que vous donnez font état de la fin de la famine dans certaines parties du pays, particulièrement dans la partie nord du pays, où on dit qu'à Kirundo, Muyinga, et voire Chankuzo, il y a de sérieux problèmes. Dans Chibitoke, dans Bubanza, un peu partout dans le pays. L'homme politique qui doit s'exprimer là-dessus. On peut lui poser une question, est-ce qu'il a du cœur? On sait également combien la vie est très chère maintenant. Et c'est à ces questions que l'homme politique aujourd'hui doit répondre. Et le rendez-vous justement d'Arusha que nous avons doit justement créer les conditions qui aident le leadership politique burundais à mettre en place tout un arsenal efficace qui soit d'ordre politique pour justement faire face à ces questions. Nous avons pris l'option de la démocratie. On ne va pas reculer, qu'on ne se fasse pas des illusions. Donc à Arusha, que mouvance et opposition acceptent de céder les uns les autres? Absolument, il faut céder. Quand on va dans les négociations, on sait que c'est un rendez-vous, on le dit souvent, d'y donner et d'y recevoir. Sylvestre Ntihwantunganya, c'est l'ancien président burundais, il répondait aux questions de Léonce Vitalihu. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page média de ce journal, les femmes journalistes éprouvent des difficultés à pouvoir évoluer professionnellement parce qu'elles ont des rôles dans la société qui sont difficiles à concilier. La déclaration est celle d'Agnès Nindore, la nouvelle présidente de l'Association des femmes journalistes. La responsable des médias devrait pour elle tenir compte de cette spécificité et de la place qu'elle occupe dans la société pour lui permettre de s'épanouir dans son métier. Lors des cérémonies de remise et reprise à la tête de la présidence de l'association, Agnès Nindore a indiqué que les organes de presse devraient aussi essayer de faire participer la femme dans leur production médiatique. Suivez plutôt Agnès Nindore, nouvelle présidente de l'AFJO. Parmi les dossiers de remise qu'on a donné un répertoire des femmes expertes, c'est un exemple qui montre que le défi qui est à relever consiste à faire participer les femmes dans les productions médiatiques. Et ce répertoire-là, on va le remettre aux organes de presse pour que demain, ils ne donnent pas l'argument. On n'a pas invité les femmes parce qu'il n'y a pas de femmes capables. Celles qui existent ont été répertoriées dans tous les domaines. Et je pense que ce sera un outil qui va permettre que les médias aujourd'hui tiennent compte de la participation des femmes dans les productions médiatiques. Maintenant, l'AFJO ne s'occupe pas seulement des questions concernant les autres femmes, mais c'est aussi les questions qui concernent les femmes journalistes. Et on sait que, justement, à cause de la société dans laquelle nous vivons, la femme journaliste a aussi des difficultés à pouvoir évoluer professionnellement, justement à cause de sa spécificité de femme. Et là, j'interpelle les responsables des médias qu'elles tiennent compte de cette spécificité et des défis qui sont liés au fait qu'elle est à la fois femme, mère et journaliste, pour éventuellement faciliter son travail, pour lui permettre de s'épanouir professionnellement autant que ses collègues. Il y a d'autres questions par rapport à leur position. Les femmes sont seulement reporters ou secrétaires. Il faut aussi qu'on les promeuve pour qu'elles aillent dans des postes de prise de décision à l'intérieur. Mais sinon, les défis sont nombreux. Nécessairement, on va devoir chercher à comprendre quels sont les défis tels qu'ils se présentent en faisant faire des études pour voir par où on peut commencer. La journaliste indépendante Agnès Nindore la remplace Agathoni Kebarakukuza à la tête de l'Association des femmes journalistes AFJO. En page éducation, différentes universités sont en train de mettre en application le second cycle de master cela dans le nouveau système d'enseignement BMD, mais il manque une certaine cohérence car chacune le fait ou pas selon qu'elle a ou non les moyens exigés. La présidente de la commission éducation à l'Assemblée nationale, Glorieuse Nimenya, demande au ministère de tutelle de faire des efforts pour que cette activité soit uniforme pour toutes les universités du pays. Il faut particulièrement appuyer l'Université du Burundi, la seule université publique de référence. La commission éducation de l'Assemblée nationale a présenté ce mercredi un rapport après une visite en décembre dernier dans des universités pour voir l'état des lieux de la mise en application de nouvelles réformes d'enseignement universitaire. Suivez plutôt Glorieuse Nimenya, la présidente de la commission éducation à l'Assemblée nationale. Avec le nouveau système baccalauréat, master et doctorat, nous avons remarqué qu'il y a quelque chose à améliorer, surtout au niveau de la mise en application de la loi qui régit cette organisation de l'enseignement supérieur. C'est une loi qui est là, mais on a vu que le second cycle master n'a pas encore été effectif dans toutes les universités. Bien sûr, il y a des universités qui ont déjà commencé avec ce système. L'Université du Burundi se prépare pour la mise en application. L'Assemblée nationale souhaite telle que l'Université du Burundi, université de référence au niveau national, mais aussi au niveau régional, soit aussi université de référence effective. Et on a constaté qu'elle se prépare pour l'ouverture des portes pour son second cycle. La mise en place justement de ce deuxième cycle, le constat est que chaque université le met en place selon ses moyens, n'est-ce pas une lacune? Oui, on voit que certaines universités ont déjà commencé. Il y a même des lauréats. On dirait peut-être une lacune. C'est à ce moment-là que l'Assemblée nationale souhaite que les textes d'application de cette loi soient bien mis en application. Parce qu'on souhaite que les lauréats, les Burundais, soient compétitifs au niveau régional, national, sur le champ de travail. La présidente de la commission éducation à l'Assemblée nationale répondait aux questions de Léonce Vitaliho sans transition, page sécurité. Le véhicule de marque Probox volé récemment en Ngozi a été retrouvé ce mercredi en zone urbaine de Kanyosha. Selon la police, les bandits qui étaient à bord ont pris le large alors qu'ils tentaient de les arrêter. Des enquêtes sont toujours en cours d'après le commissaire de police en province Ngozi. Et pour rappel, le chauffeur de cette voiture a été tué à l'aide d'un pistolet qu'il avait sur lui. Et trois grenades ont été trouvées dans un champ sur la colline Buramata en commune Gihanga de la province Bubanza ce mardi dans l'après-midi. Elles ont été vues par un homme qui était à la recherche du bois de chauffe. Il a alerté les administratifs à la base. Ces derniers, à leur tour, les ont remis aux forces de l'ordre. Ce serait un détenteur qui aurait voulu discrètement s'en débarrasser en les jetant dans ce champ selon les mêmes administratifs à la base sur la colline Buramata. Et les activités ont été paralysées à l'école fondamentale de Gihanga en commune et province Bubanza depuis ce mardi. C'est après la bagarre qui a fait deux blessés. Une troisième victime a été enregistrée le soir de ce mardi même alors que des policiers avaient arrêté 10 élèves considérés comme promoteurs pour les interroger. La famille de l'enseignant tabassé s'est vengée sur l'un de ses élèves en le frappant avec une grosse pierre sur la tête, nous rapporte Spes Caritas Kabanyana. Dans l'après-midi de ce mardi, les policiers ont arrêté 6 élèves de l'école fondamentale de Gitanga, considérés comme promoteurs des échauffourées, qui avaient surgi à cette école le matin et un frère de l'enseignant tabassé a frappé d'une grosse pierre l'un de ses élèves. Il est pour le moment dans un état très critique à l'hôpital de Bubanza, selon les témoins sur place à Gitanga. Trois victimes sont donc arrêtées à l'hôpital de Bubanza, dont l'enseignant vacataire Kwizerimana Gilbert, un motard et l'élève de la 7e Iran Bonna Florente. Jusque ce mercredi, les activités restent paralysées à cette école. Aucun élève ne s'y présente. Seuls les enseignants se sont présentés ce mercredi selon le directeur, qui ajoute que le problème n'est pas à sa hauteur et qu'il attend les autorités hiérarchiques pour dénouer la situation qui reste tendue entre les éducateurs et les éduqués. À titre de rappel, ce mardi matin, un enseignant vacataire du nord de Kwizerimana Gilbert a été sérieusement tabassé par les élèves. Il aurait été victime d'un vol sanctionné, ceux qui étaient en retard, selon les témoins sur place à Gitanga. Lorsque l'un des élèves promoteurs a voulu fuir à moto, le motard est tombé dans la bagarre entre élèves et enseignants et il a été également tabassé. C'est Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à Spes Caritas Kabanyana pour ce reportage. Tous les ménages détenteurs de postes téléviseurs seront désormais identifiés dans un recensement en cours dans tout le pays sous la supervision de l'administration locale, à commencer par les gouverneurs des provinces. Le ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique indique que ce recensement a été commandé par le ministère de la Communication. Le but est de disponibiliser des chiffres des ayants droit au décodeur de la numérique, précise Terence Nahiraja, assistant et porte-parole au ministère de l'Intérieur, que je vous prie de suivre. Il a été joint au téléphone par Placide Niomungere. Le ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique a adressé les correspondances à tous les gouverneurs de province et de Bujumbura afin qu'ils puissent justement recenser tous les ménages qui disposent d'un poste téléviseur dans leur famille. L'objectif, c'est de pouvoir disponibiliser ce qu'on appelle les décodeurs qui vont faciliter ces appareils afin de pouvoir suivre normalement les réponses télévisuelles dans la technologie moderne qui a été instaurée via le ministère en charge de la communication. Eh bien, cette correspondance a été justement préparée dans l'optique de mettre en application la requête du ministre en charge de la communication qui a demandé au ministère de l'Intérieur et de l'Information civile d'appuyer pour identifier les besoins dans tout le pays afin que justement ces décodeurs puissent être distribués par le ministère en charge de la communication comme c'est prévu. Est-ce que cette tâche n'était pas de la responsabilité du ministère de la télécommunication? Quel est le rôle du ministère de l'Intérieur à ce matière? Chaque ministère qui voudrait transmettre un message à la population et qui concerne tout le pays, c'est à travers le ministère en charge de l'Intérieur que tout le monde le fait pour faciliter donc la tâche. Via le ministère de l'Intérieur qui arrive même à la base, et à travers ce ministère qui on peut communiquer très facilement à la population. À la source, reportage. Dans le reportage de ce mercredi, nous vous parlons du manque de salles de classe à l'école fondamentale de Lugarissa en commune et province de Ruyigi, c'est à l'est du Burundi. Ce manque criant se fait surtout constater dans la classe de la première année qui compte un effectif de plus de 100 élèves. Ceux de la troisième et quatrième année partagent une même salle de classe. Les uns l'occupent dans l'avant-midi et l'autre dans l'après-midi. Le manque de manuels scolaires est aussi signalé sur cet établissement. Pour les salles de classe, le maître responsable Célestin Nionzima indique que les parents s'organisent parfois pour construire les salles de classe. Le reporter, c'est Aubin Nyonghuru. Nous sommes à l'école fondamentale de Rugari, en commune et province Ruyigi, une école située à une dizaine de kilomètres du centre de cette province. Cet établissement compte 720 élèves qui partagent seulement 8 salles de classe. Dans l'après-midi, les élèves retournent souvent à l'école pour prendre les notes à cause du manque de livres scolaires. Nous avons un manque de livres de langue, sciences humaines et ceux du cours d'entrepreneuriat. Nous partageons les livres disponibles à 4 ou 5. Nous nous manquons les livres de technologie. Nous avons seulement 3 livres. Pour le cours d'entrepreneuriat, il y a 2 livres pour 28 élèves. On les a distribués à raison du premier et dernier par rangée. Cet enseignant de la troisième année indique qu'ils éprouvent des difficultés à enseigner à cause des effectifs pléthoriques d'élèves. Innocent Bizumuremi parle aussi du manque des manuels scolaires. Nous avons beaucoup de problèmes. Par exemple, nous n'avons pas de livres de salle pour que les élèves étudient convenablement. Vous avez quel effectif d'élèves dans votre classe? 95. Et ça sert à combien? 4 ou 5. J'essaie de les suivre, mais il est impossible car ils sont nombreux. Célestin Nyonzima, maître responsable sur cette école, reconnaît toutes ces difficultés. Il indique qu'il y a même des élèves de la première année qui abandonnent l'école à cause de mauvaises conditions d'études. Au cours de cette année, à partir du premier trimestre, on remarque qu'il y a une dizaine d'élèves qui ont abandonné, donc aux environs de 15. Surtout, ceux qui abandonnent sont des petits enfants de la première année et deuxième année. Le motif? Les motifs sont divers. Il y a la pauvreté, il y a aussi les maladies, ainsi que le désintéressement aussi des enfants. Il y a un effectif pléthorique ici, suite peut-être au manque de salles de classe. Les bancs sont suffisants, mais au manque là où on les dispose. Par bas pupitre, ils s'asseyent à 7-6. Le directeur provincial de l'enseignement dans cette province reconnaît tous ces défis de manque de manuels scolaires et d'insuffisance des salles de classe. Bernard Kassigaye. Ce que nous comptons à faire est de sensibiliser en collaboration avec l'administration pour qu'on puisse construire les salles de classe manquantes. Et nous espérons que peu à peu, ce problème sera résolu d'ici peu de temps. Cette autorité appelle les administratifs à sensibiliser les parents afin qu'ils participent dans la construction des salles de classe. Merci à Aubin Nyonghuru pour ce reportage qui nous a conduit en commune et province de Ruyigi, c'est à l'est du Burundi. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition de cette soirée. Merci également à Albert Ndouaï qui a assuré la mise en onde. Une excellente soirée à tous et à tous. Au revoir.